Georges Courteline, Monsieur Badin, personnage, le directeur, Ovid, Monsieur Badin, le directeur. C'est vous, Ovid ? Oui, monsieur le directeur. Est-ce que Monsieur Badin est venu ? Oui, monsieur le directeur. Monsieur Badin est là ? Parfaitement. Alors, réfléchissez à ce que vous dites. Je vous demande si Monsieur Badin, l'expéditionnaire du troisième bureau, est à son poste, oui ou non. Monsieur le directeur, il y est. Ovid, vous avez bu. Moi ? Alors, à vous la vérité, je ne vous dirai rien pour cette fois. Monsieur le directeur, je vous jure, j'ai bu qu'un verre de coco. La présence de Monsieur Badin au ministère constitue un tel phénomène, une telle anomalie. Enfin, nous allons bien le voir. Allez me chercher, Monsieur Badin. Eh bien, monsieur le directeur. Toc, toc. Entrez. Monsieur Badin apparaît. Monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Badin. Entrez donc, monsieur Badin, et prenez un siège, je vous en prie. Je suis confus. Du tout. Dites-moi, monsieur Badin, voilà près de 15 jours que vous n'avez pas mis le pied à l'administration. Oh, ne m'en parlez pas. Permettez. C'est justement pour vous en parler que je vous ai prié de passer à mon cabinet. Voilà, dis-je, près de 15 jours que vous n'avez pas mis le pied à l'administration. Tenu au courant de votre absence par votre chef de bureau et inquiet pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre chez vous de vos nouvelles. On lui a répondu 6 fois que vous étiez à la brasserie. Oh, monsieur, on lui a menti. Mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, monsieur Badin, fort bien. Ne vous excitez pas ainsi. Monsieur, je vais vous expliquer. J'ai été retenu chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère encore. Monsieur... Ah, ça, monsieur Badin, est-ce que vous vous fichez de moi? Oh, à 7 heures, vous avez perdu votre beau-frère? Comme déjà il y a 3 semaines, vous aviez perdu votre tante, comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à la Trinité, votre mère à Pâques. Sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'au moins un la semaine. Quel massacre, non, mais quel massacre! A-t-on idée d'une boucherie pareille? Et je ne parle pas ici, notez bien, de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous vous moquiez du monde, soit, mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à marier les uns, à enterrer les autres ou à tenir sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Monsieur le directeur, taisez-vous. Vous parlerez quand j'aurai fini. Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition. Vous, monsieur Soupe et monsieur Ferbattu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service et il n'y a plus rien à attendre de lui que l'épreuve de sa vaine bonne volonté. Quant à monsieur Ferbellu, c'est bien simple, il place des huiles en province. Alors quoi ? Car voilà pourtant où nous en sommes, il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, le second voyageur de commerce, et le troisième un enterrement depuis le jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train. Non, non, monsieur Badin, 100 fois non, j'en suis là, moi, des enterrements et des mariages et des baptêmes. Désormais, c'est 2 choses l'une, la présence ou la démission. Choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte à cet instant même, est-ce clair? Si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup de 10 heures, et ceci à partir de demain, est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous balancerai, moi. Est-ce clair? Oh,

Ce n'est plus tenable. Oui, c'est assez mon avis. N'est-ce pas? Absolument. Allez, remettez-moi votre démission. Je la transmettrai au ministre. Ma démission? Mais monsieur, je ne songe pas à démissionner. Je demande seulement une augmentation. Comment une augmentation? Madame, monsieur, il faut être juste. Je peux pourtant pas me tuer pour 200 francs par mois.